Je suis posé assis le cul entre deux chaises. L'air frais n'est pas vraiment à l'aise. J'utilise la langue de Molière depuis mon premier bac à sable. Mais là la tâche me désespère, je me sens tellement incapable. J'ai épluché les dictionnaires, fouillé tout mon vocabulaire. J'ai écrit des centaines de vers, mais rien à faire, je m'exaspère. J'ai beau chercher, je ne trouve pas. Les mots sont trop faibles parfois, ils sont trop fades ou maladroits, et parfois ils n'existent pas. Et je suis là, assis à cette table, moi et la feuille blanche. Et je suis là, assis à cette table, moi et mon cœur qui flanche. Je pourrais écrire que je t'aime, comme dans une belle chanson d'amour. Mais je serais bien en dessous de ce que je vis tous les jours. Alors je gratte et je rature, je croise, déchire et je sature. Je me balance de phrases en formule, mais tout me semble tellement nul. Le plus simple serait que tu viennes faire un petit tour dans mes bras, que je finisse par me taire. Parfois les mots n'existent pas. Et je suis là, assis à cette table, moi et la feuille blanche. Et je suis là, assis à cette table, moi et mon cœur qui flanche. Moi et la feuille blanche. Et je suis là, assis à cette table, moi et mon cœur qui flanche.